Section 7 de La Lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La Lecture, tome 3e. Section 7. Mensonge par Paul Bourget. Chapitre 12. Loyauté cruelle. Deuxième partie. Il était 6 heures du soir quand le jeune homme jeta cette lettre à la boîte. Il regarda l'enveloppe disparaître, et elle n'était pas plutôt échappée de sa main qu'il se mit à regretter de l'avoir envoyée, avec une angoisse de ce qui résulterait, pire que son anxiété de tout l'après-midi. Dans le désarroi de ses idées, il avait entièrement oublié les habitudes de sa vie de famille, et que jamais il n'était demeuré une journée entière hors de la maison sans prévenir. Il prit son dîner dans un cabaret de hasard, sans penser davantage au sien, tout entier au dévorant calcul de ses hypothèses sur la conduite que Suzanne tiendrait après la lecture de sa lettre. Le premier détail qui le réveilla de ce somnambulisme, à demi lucide, fut l'exclamation de Françoise lorsque, revenu à pied et vers 9h30, il ouvrit la porte de l'appartement de la rue Couette-Logon et se trouva nez à nez avec l'Auvergnate, qui faillit en laisser tomber sa lampe. « Ah, monsieur !» s'écria la brave fille. « Si vous saviez quelle inquiétude vous avez baillée à Madame Frénaud, qu'elle en a quasiment laissé tourner !»« Comment ?» dit René à Émilie, qui se précipita dans le couloir au-devant de lui. « Tu t'es tourmenté parce que tu ne m'as pas vu rentrer ?»« Ne me reproche rien, » ajouta-t-il, tout bas, en l'embrassant. « C'est à cause d'elle. » La jeune femme, qui avait réellement traversé une fin de journée cruelle, regarda son frère. Elle le vit bouleversé lui-même, avec la fièvre dans les yeux, et elle ne trouva plus la force de lui reprocher l'égoïsme naïf avec lequel il avait tenu si peu de compte des déraisonnables susceptibilités d'imagination qu'il lui connaissait pourtant. Et elle lui répondit tout bas, elle aussi, en lui montrant la porte entr'ouverte de la salle à manger. « Les dames aux farelles sont là. » Cette simple phrase suffit pour que la fièvre de René changeât soudain de caractère. Une appréhension angoissée lui succéda. Dans le plus doux moment de sa promenade au Louvre, ce matin, l'image de Rosalie avait eu le pouvoir de le faire souffrir, quand il était auprès de Suzanne. Et maintenant, il lui fallait, sans préparation, revoir en face non plus cette image, mais la jeune fille elle-même, rencontrer ses yeux qu'il avait évités si lâchement depuis des jours, subir cette pâleur dont il se savait la cause. La sensation de sa perfidie lui revint, plus douloureuse, plus aiguë qu'elle n'avait jamais été. Il avait dit des mots d'amour à une autre femme, sans s'être délié de ses engagements envers celle qui se considérait à juste titre comme sa fiancée. Il entra dans la salle à manger comme il eût marché au supplice, et il ne fut pas, plutôt en pleine clarté de la lampe, qu'il sentit au regard de Rosalie qu'elle lisait dans son cœur comme dans un livre ouvert. Elle était assise entre Frénaud et Madame O'Farrell, travaillant comme d'habitude, les pieds posés sur une chaise vide où elle avait placé son peloton de laine et le chapeau de son père. René comprit par quelle innocente ruse, afin qu'à son arrivée, il fût obligé de se mettre près d'elle. Elle et sa mère tricotaient des mitaines longues, destinées à être portées au bureau par le vieil O'Farrell qui se prétendait maintenant menacé de la goutte au poignet. Ce père chimérique était là, lui aussi, buvant, malgré ses craintes de malade imaginaire, un grog très fort, et jouant au piquet avec le professeur. C'était Émilie qui avait proposé cette partie pour éviter la conversation générale et se livrer tout à l'idée de son frère absent. Angélique O'Farrell l'avait aidée, de son côté, à débrouiller des écheveaux de soie. Cette scène d'humble intimité s'éclairait d'une douce lueur, et René y retrouva du coup le symbole de ce qui avait fait si longtemps son bonheur, de ce qu'il avait quitté pour toujours. Heureusement pour lui, la grosse voix du professeur s'éleva tout de suite, et l'empêcha de se livrer à ses réflexions. « Eh bien, disait Frénaud, tu peux te vanter d'avoir pour sœur une personne raisonnable. Ne parlait-elle pas de passer la nuit à t'attendre ? Mais il aurait envoyé une dépêche. Mais il lui est arrivé un malheur. Pour un peu, elle m'aurait chargé de passer à la morgue. Et je lui disais, René a été retenu à déjeuner et à dîner. Allons, père O'Farrell, à vous de donner. « J'ai dû faire une visite à la campagne, » répondit René, « et j'ai manqué le train, voilà tout. » Comme il sait mentir, se dit Émilie, qui se surprit, admirant son frère de cette maladresse, signe d'une habituelle droiture. Comme elle l'eût admiré d'être adroit jusqu'au machiavélisme. Je vous trouve l'air un peu pâle, dit Madame O'Farrell, agressivement. Est-ce que vous êtes souffrant? Ah, monsieur René, interrompit Rosalie avec un timide sourire. Voulez-vous que je vous fasse une place ici? Je vais ôter le chapeau de père. Donne-le-moi, dit le vieil employé, en avisant un coin libre sur le buffet. Il sera plus en sûreté ici. C'est mon numéro 1, et la maman me gronderait s'il lui arrivait malheur. Il y a si longtemps qu'il est numéro 1, s'écria Angélique en riant. Tiens, papa, voilà un vrai numéro 1. Et la rayeuse prit le chapeau de René, qu'elle fit reluire à la lampe en montrant à côté le couvre-chef du bonhomme, dont la soie râpée, la couleur rougeâtre et la forme démodée ressortirent plus encore par le contraste. Mais rien n'est trop beau pour monsieur René maintenant, fit Madame O'Farrell, avec son acrimonie ordinaire, et tournant sa rancune du côté d'Angélique, dont l'action lui avait déplu. Tu seras bien heureuse si ton mari est toujours aussi bien mis que ton père. René s'était assis, cependant à côté de Rosalie. Il n'avait pas relevé l'épigramme de la terrible bourgeoise, et il ne se mêla pas davantage au reste de la conversation, que la sage Émilie fit aussitôt dévier du côté de la cuisine. Sur ce sujet, Madame O'Farrell se passionnait presque autant que sur Cendrette, Raton, Petit Vieux et Beaupoil, ses quatre chats. Elle ne se contentait pas d'avoir des recettes à elle pour toutes sortes de plats, tels que le coulis d'écrevisse son triomphe et le canard sauce aux farelles, comme elle l'avait dénommé elle-même son orgueil. Elle possédait aussi des adresses particulières pour les diverses fournitures, traitant Paris comme le Robinson de Daniel Defoe traite son île. De temps à autre, elle faisait de véritables descentes dans certains quartiers, à des distances infinies de la rue de Bagneux, allant pour sa provision de café dans tel magasin et pour les pâtes d'Italie dans tel autre. Elle savait qu'à un certain jour du mois, certains marchands recevaient un arrivage de mortadelle et cet autre d'olives noires à une autre date. C'était, à chaque fois, des voyages dont le moindre épisode faisait événement. Tantôt elle allait à pied, et ses observations étaient innombrables sur les démolitions de Paris, l'encombrement des rues, la supériorité de l'air respirable dans la rue de Magnieux. Tantôt elle prenait l'omnibus avec une correspondance, et ses voisins devenaient l'objet de ses remarques. Elle avait vu une grosse dame très aimable, un petit jeune homme impertinent, le conducteur l'avait reconnue et saluée, la voiture avait failli verser trois fois. Un vieillard décoré avait eu beaucoup de mal à descendre. J'ai bien cru qu'il tomberait, le pauvre cher monsieur. Cet habit de détail insignifiant, où se complaisait la médiocrité d'esprit de la pauvre femme, divertissait René d'ordinaire parce que la bourgeoise trouvait quelquefois, dans son flux de paroles, quelques tournures imagées. Elle disait, par exemple, parlant d'un de ses compagnons de voyage qui faisait la cour à une cuisinière chargée de son panier, il y a des gens qui aiment les poches grasses, ou de deux personnages qui s'étaient pris de querelle. Ils se disputaient comme deux darnajas, terme mystérieux qu'elle avait toujours refusé de traduire. Mais ce soir, le contraste était trop complet entre l'excitation romanesque où l'entretien avec Suzanne avait jeté le poète, et les mesquineries de ce milieu, dans lequel il était né cependant. Il ne se disait pas que des mesquineries analogues font l'envers de toute existence, et que les dessous du monde élégant sont composés de basses rivalités, de dégoûtants calculs pour paraître plus que l'on est, de compromis de conscience, auprès desquels les petitesses de la vie bourgeoise apparaissent comme empreintes de la plus délicieuse bonhomie. Il regardait Rosalie, et la ressemblance de la jeune fille avec sa mère l'impressionnait d'une manière intolérable. Elle était jolie pourtant. Son visage allongé, que pâlissait un visible chagrin, prenait, à la lumière de la lampe et penchée sur le tricot, des tons d'ivoire, et quand elle levait les yeux vers lui, la sincérité du sentiment le plus passionné rayonnait dans ses douces prunelles. Mais pourquoi le noir de ses prunelles était-il de la même nuance que le noir des yeux de la vieille femme? Pourquoi était-ce, à 24 ans de distance, le même dessin du front, la même coupe du menton, le même pli de la bouche? Quelle injustice d'en vouloir à cet innocent enfant, et de cette ressemblance, et de cette pâleur, et de ce chagrin, et du silence même dont elle s'enveloppait. Hélas, il suffit d'avoir des torts profonds envers une femme pour trouver en soi contre elle une inépuisable source de cette injustice-là. Rosalie commettait ce crime inconscient, de doubler de remords le sentiment que René portait à sa nouvelle amie. Elle représentait ce passé du cœur à qui nous ne pardonnons pas de se dresser comme un obstacle entre nous et notre avenir. Si perfide que soit en amour la plupart des femmes, leur infamie ne punira jamais assez les secrets égoïsmes de la plupart des hommes. Si René avait eu le triste courage de son camarade Claude Larcher, celui de se regarder en face et sans illusion, il aurait dû s'avouer que la cause vraie de sa mauvaise humeur contre Rosalie résidait surtout dans le fait que, lui, l'avait trompée. Mais c'était un poète, et qui excellait à jeter des voiles brillants sur les vilaines portions de son âme. Il se contraignit de penser à Suzanne et à ce noble amour qui avait grandi et fleuri en lui. Et, pour la première fois, il prit la résolution ferme de rompre définitivement avec la jeune fille, en se disant « Je serai digne d'elle ». Et cette « elle », c'était la femme perverse et menteuse qui avait sur la douce, la simple, la sincère enfant cette supériorité d'un merveilleux décor, d'une rare science de la toilette, d'une incomparable singerie sentimentale et d'une beauté profondément, intimement troublante. Cette beauté traversait de nouveau l'imagination ensorcelée de René à la minute même où le père O'Farrell donna le signal du départ en se levant et disant à Fresnaud « Je vous gagne 14 sous. Eh eh, mes cigares de la semaine. Allons, ajouta-t-il en se tournant vers sa femme. Les dames sont-elles prêtes ?»« Puisque nous sommes tous ici, » reprit Madame O'Farrell, et elle souligna le mot « tous » par un coup d'œil lancé du côté de René. « Quand venez-vous dîner à la maison? Samedi vous conviendrait-il? C'est le jour de Monsieur Fresnaud, je crois. » Et sur la réponse affirmative du professeur, elle s'adressa au jeune homme, directement cette fois. « Et vous aussi, René? Oh, d'abord vous serez mieux chez nous que chez tous ces gens riches où Monsieur Larcher va faire le pique-assiette. »« Mais, madame, » interrompit le poète. « Paix, paix, » fit la vieille dame. « Pour moi, je me rappelle toujours ce que disait bonne maman. Vaut mieux un morceau de pain bis chez soi qu'une dinde truffée chez les autres. » Quoique la réflexion de la mère de Rosalie fût une simple bêtise, appliquée au malheureux Claude qu'une dyspepsie très avancée rendait le plus souvent incapable de boire même un verre de vin fin, elle blessa René comme aurait fait la plus juste des épigrammes dirigées contre son ami. C'est qu'il y voyait le dernier signe d'une hostilité passionnée et qui ne pouvait que s'accroître entre son ancien milieu et la nouvelle vie, entrevue, espérée, convoitée, depuis le matin avec tant d'ardeur. Il y avait un droit de ces gens-là, sur lui, droit plus complet encore que ne le croyait Madame O'Farrell, puisqu'il était lié à Rosalie par un accord tacite. Il eut alors un nouveau passage de dureté contre cet pauvre enfant, et il se dit plus âprement encore que tout à l'heure « Je romprai ». Il se coucha sur cette décision et ne put dormir. Il avait changé de courant d'idée. Il pensait à sa lettre maintenant. Elle devait être arrivée, et voici que la série des dangers non prévus se développa au regard de son imagination. Si le mari de Suzanne interceptait cette lettre. Un frisson le saisissait à l'idée des malheurs que son imprudence pouvait attirer sur la tête de cet ange. Aux prises avec ce tyran, dont la brutalité devinée lui causait une telle horreur. Et puis, même arrivé à bon port, si cette lettre déplaisait à Suzanne, et elle lui déplairait, il chercha sans rappeler le détail. « Comment ai-je été assez absurde pour lui écrire ainsi ?» se disait-il. Et il souhaitait que la lettre se perdît en route. Il calculait qu'un pareil accident se produit quelquefois, alors qu'on désire exactement le contraire. Pourquoi ne se produirait-il pas alors qu'on le désire? Il avait honte alors d'une telle puérilité d'imagination. Il l'attribuait à l'énervement de sa soirée, et il se reprenait à maudire les petitesses d'esprit de Madame O'Farrell. Sa mauvaise humeur contre la mère paralysait par instant toute pitié pour la fille. Il passa la nuit ballotté ainsi, entre ces deux sortes de tourments, jusqu'à ce qu'il s'endormît de ce lourd sommeil des 4 heures qui assomme plutôt qu'il ne repose. Et, à son réveil, La première idée qu'il retrouva lui-même fut sa volonté de rupture, qui s'était encore affermie durant ce sommeil. Quel moyen employer, cependant? Il y en avait un tout simple, demander à la jeune fille un rendez-vous. C'était si facile. Que de fois elle l'avait ainsi prévenu des heures où Madame O'Farrell devait sortir. Et il allait rue de Bagneux, sûr de trouver Rosalie seule à la maison avec Angélique, et cette dernière, par une complicité de sœur analogue à celle d'Émilie, avait bien soin de laisser les deux amoureux causer tranquillement ensemble. Oui, c'était là le moyen le plus loyal. Mais le jeune homme ne se sentit pas la force de seulement supporter l'idée de cette conversation. Il y a une forme déshonorante de la pitié qui apparaît dans des crises pareilles. Elle consiste à reculer devant la vue directe des souffrances que l'on cause. On veut bien torturer la femme que l'on abandonne. On ne veut pas regarder couler ses larmes. René pensa tout naturellement à s'épargner cette émotion insoutenable en écrivant, cette ressource des volontés lâches dans toutes les ruptures. « Le papier souffre tout, » dit le peuple. Il se leva pour commencer une lettre qui dut interrompre. Il ne trouvait pas ses mots. Pendant ses hésitations, l'heure approchait de la première visite du facteur. Quoiqu'il fût parfaitement insensé d'attendre par ce courrier la réponse de Suzanne, le cœur de l'amoureux battit plus vite lorsqu'Émilie entra dans sa chambre, apportant, comme d'habitude, lorsqu'elle le savait réveillé, le journal et la correspondance. Ah, s'il eût aperçu sur une des trois enveloppes que lui tendit sa sœur cette élégante et longue écriture, reconnaissable pour lui entre toutes les autres, quoiqu'il ne l'eût vue que sur un seul billet. Mais non, ces enveloppes contenaient trois lettres d'affaires qu'il jeta de côté avec un énervement dont s'inquiéta cette pauvre sœur, et elle lui demanda « Tu as un chagrin, mon René ?» Tandis que la jeune femme posait cette question, un si entier dévouement éclatait sur son visage, ses yeux exprimaient une si vive, une si vraie tendresse pour son frère, qu'elle apparut à ce dernier comme un ange sauveur, au sortir des troubles de cette cruelle nuit. Ces mots de rupture qu'il n'osait pas formuler lui-même, qu'il ne savait pas écrire, pourquoi ne chargerait-il point Émilie de les prononcer? Avec la précipitation dont sont coutumiers les caractères faibles, il n'eut pas plutôt entrevu ce moyen d'action qu'il s'en empara, presque fébrilement, et il se mit, les larmes aux yeux, à raconter l'état de détresse où il se trouvait par rapport à Rosalie. Tout ce que sa sœur ignorait de ses relations, il le lui révéla. Par une sorte de mirage intime, comme en produisent les confessions, et à mesure que ce récit se détaillait, des sentiments nouveaux naissaient dans son cœur, venant à l'appui de sa résolution actuelle. C'était cela même qu'il aurait dû éprouver à l'époque où il accomplissait les actes dont il se reconnaissait maintenant coupable, quand il avait noué son intrigue, intrigue innocente en fait, mais cependant clandestine, il ne s'était pas dit que la stricte morale défend d'avoir un engagement secret avec une jeune fille, et que de l'habituer ainsi à tromper la surveillance de ses parents constitue la plus dangereuse des éducations. Il ne s'était pas dit qu'un homme n'a pas le droit d'agir dans la logique d'un amour avant d'avoir éprouvé la solidité de cet amour, et que si l'ardeur de la passion excuse bien des faiblesses, l'appétit de l'émotion ne fait qu'aggraver ces mêmes faiblesses. Ses reproches, et d'autres encore, lui venaient à l'esprit et aux lèvres, tandis qu'il parlait, et il voyait aussi au visage d'Émilie combien il avait abusé cette sœur confiante. Dans un cercle d'étroite, d'absolue intimité, de telles dissimulations comportent un je ne sais quoi de profondément attristant pour les personnes qui en ont été les victimes. Mais si Madame Fresnaud éprouva cette tristesse toute voisine de la déception, elle la traduisit tout entière en sévérité contre la jeune fille, contre elle seule, et elle s'écria naïvement, lorsque son frère lui eut expliqué le service qu'il attendait d'elle. « Je ne l'aurais jamais cru si en dessous. »« Ne la juge pas mal, » fit René avec honte. « Si toutes ses amours étaient demeurées cachées, à qui la faute ?» Il reprit, « C'est moi qui suis le coupable. » « Toi, » dit Émilie en l'embrassant, « ah, tu es trop beau, trop tendre. Mais je ferai ce que tu veux, et je te promets d'avoir une légèreté demain. Comme tu as eu raison de t'adresser à moi, nous autres femmes, nous savons l'art de tout dire. Et puis c'est vrai, la loyauté t'oblige à faire cesser une situation trop fausse. » Et elle ajouta, « Le plus tôt vaudra le mieux. J'irai rue de Bagneux dès cet après-midi. Je la trouverai seule, ou bien je lui demanderai un rendez-vous. » malgré la confiance qu'elle avait témoignée dans sa propre habileté, la jeune femme sentait si bien, à la réflexion, les difficultés de son ambassade, qu'elle laissa voir, au déjeuner, un visage soucieux dont s'inquiéta naïvement son mari, et que René dut regarder avec remords. N'y avait-il pas dans le fait d'employer ainsi une tierce personne pour apprendre la vérité à Rosalie, quelque chose de particulièrement cruel envers la pauvre enfant, une humiliation ajoutée à l'inévitable douleur? Quand sa sœur vint lui dire adieu, tout habillée, avant de se rendre chez les dames au Farrel, il fut sur le point d'empêcher cette visite. Il en était temps encore. Puis, il la laissa partir. Il entendit la porte se fermer. Émilie était dans l'allée. Elle prenait la rue d'Assas, celle du Cherche-Midi. Mais l'accès de rêverie triste qui avait envahi le poète ne tint pas contre la pensée de l'arrivée du prochain courrier. Suzanne avait certainement reçu sa lettre ce matin. Si elle avait répondu tout de suite, cette réponse allait être là. Cette idée et l'approche toute voisine de l'instant où elle se vérifierait suspendirent du coup toute sa pitié pour sa petite amie abandonnée. Si compliquée que soit la subtilité d'un cœur, l'amour le simplifie singulièrement. René était en proie à cette inquiétude que tous les amants connaissent, depuis le simple soldat qui attend de sa paye un billet sans orthographe, jusqu'au jeune prince héritier en correspondance sentimentale avec la plus spirituelle et la plus coquette des dames du palais. L'homme veut se reprendre à ses occupations ordinaires. L'esprit veille qui compte les minutes et ne peut pas supporter la sensation de la durée. On regarde l'horloge et l'on suppute toutes les chances possibles. Si l'on osait, on poserait pour la 20e fois cette ridicule question. « Il n'y a rien ?» à la personne chargée de vous remettre vos lettres. C'est l'attente avec ses anxiétés démesurées, ses folles hypothèses, la fièvre brûlante de ses espoirs et de ses désillusions. Au feu de cette impatience, tout se consume et s'abolit dans l'âme. Quand Émilie rentra, 1h30 environ après être partie, son retour surprit René comme s'il eût absolument oublié la mission dont il l'avait chargée. Mais le visage de sa sœur révélait un trouble tel qu'il en demeura soudain bouleversé. « Eh bien » articula-t-il avec angoisse. « C'est fait » dit-elle à mi-voix. « Ah, René, je ne la connaissais pas. » Qu'a-t-elle répondu ? « Pas un reproche, » reprit Émilie, « mais des larmes. Ah, quelles larmes, comme elle t'aime. Sa mère était sortie avec Angélique. Vois quelle ironie, pour aller acheter les provisions du dîner de samedi. C'est moi qui n'irai pas à ce dîner-là. Quand Rosalie m'a ouvert la porte, j'ai cru qu'elle se trouverait mal tant elle est devenue pâle. Je ne lui avais pas dit un mot, qu'elle avait tout deviné. Elle est comme moi avec toi. Elle a la seconde vue du cœur. Nous sommes entrés dans sa chambre. Il n'y a que toi dans cette chambre, et tes portraits et des souvenirs qui se rattachent à des promenades que nous avons faites ensemble, et des gravures des journaux illustrés sur ta pièce. J'ai commencé à lui faire ton message, si doucement, je te jure. J'étais aussi émue qu'elle, et elle me disait « Il est si bon de vous avoir choisi pour me parler. Au moins vous ne me trouverez pas folle de l'aimer comme je l'aime. » Elle a dit encore « J'y étais préparée depuis longtemps, c'était trop beau. Et aussi, demandez-lui seulement qu'il me permette de garder cette lettre. Ah, ne m'en demande pas davantage maintenant. J'ai si peur pour toi, mon René. Oui, j'ai peur que ce chagrin ne te porte malheur. » Fin de la section 7, lue par Stéphanie.